إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد Chers auditeurs, dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler, incha'Allah ta'ala, du droit le plus immense après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce droit n'est autre que le droit des parents. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la bonté envers les parents à de nombreuses reprises dans son noble livre, immédiatement après nous avoir ordonné de lui vouer un culte exclusif. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Isra: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Wa bil walidayni ihsana. Et soyez bienfaisants envers les pères et mères. Ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être bon et bienfaisant envers nos parents, en faisant preuve avec eux de toute forme de bienfaisance, que ce soit par les paroles ou par les actes. Et nos parents, ils sont dignes de cette bienfaisance de notre part, car ils sont la cause de notre existence. Et en plus de cela, ils sont parmi les gens ceux qui ont le plus d'amour et de tendresse à ton égard. Ils méritent donc que tu sois bon et bienfaisant envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite dans ce verset: imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Et si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, c'est-à-dire s'ils atteignent auprès de toi cet âge où ils s'affaiblissent, cet âge où ils ont besoin de ton soutien, cet âge où ils ont besoin de ton aide, de ta bienfaisance, de ta compassion, de ta tendresse, fala taqul lahuma ouf, alors ne leur dis point fi. Ne leur dis point fi, c'est-à-dire ne leur cause pas le moindre tort, aussi minime soit-il, ne serait-ce qu'un mot déplaisant, un mauvais regard, ou même un soupir. Wala tanharhuma, et ne les brusque pas. Ne les brusque pas par des mauvaises paroles, par des paroles désagréables ou des paroles dures. Wa qul lahuma qawlan karima, et dis-leur des paroles respectueuses. Lorsque tu parles à tes parents, tu dois t'adresser à eux avec politesse. Tu dois utiliser des paroles douces, des paroles respectueuses, leur parler avec tendresse, t'adresser à eux en prononçant des paroles qui les réjouissent et des paroles qui suscitent leur agrément. Non pas des paroles dures, des paroles impolies ou des paroles déplaisantes, non. Mais tu dois choisir tes mots lorsque tu t'adresses à tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ensuite: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. C'est-à-dire que tu dois faire preuve d'humilité envers tes parents, tu dois faire preuve de modestie. Tu dois reconnaître leurs droits immenses et le rang éminent qu'ils occupent. Et tu dois faire cela par miséricorde et par bienfaisance envers eux, afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala te dit: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dit: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. C'est-à-dire, invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de tes parents pour qu'il leur fasse miséricorde, et ce qu'ils soient vivants ou morts. Et ceci est le minimum qu'ils méritent de ta part en raison de tout ce qu'ils ont fait pour toi pour t'éduquer jusqu'à ce que tu grandisses. Et les gens de science ont dit que plus les parents fournissent d'efforts dans l'éducation de leurs enfants, plus leur droit sur leurs enfants est immense. En effet, les parents ne sont pas tous de même degré. Certains fournissent plus ou moins d'efforts dans l'éducation de leurs enfants, et notamment dans leur éducation religieuse. Donc plus les efforts des parents sont grands, plus leur droit grandit, plus leur droit sur toi est immense. Et la bonté envers les parents, elle fait partie des meilleures des œuvres, des moyens les plus nobles te permettant de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'œuvre la plus aimée d'Allah. Il commença par dire la prière en son temps. Puis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu de lui dire, et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la bonté envers les parents. Puis il lui dit, et après cela, il dit la lutte sur le sentier d'Allah. Médite ici sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la bonté envers les parents avant la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie des meilleures des œuvres. Et la bonté envers tes parents, elle fait partie des causes qui te permettront d'entrer au paradis. Car c'est une des voies parmi les voies menant au paradis. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à trois reprises qu'il soit humilié. Alors on lui dit, qui donc, ô messager d'Allah? Qui est celui contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque de cette manière à trois reprises? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, celui qui a atteint ses parents ou l'un d'entre eux alors qu'ils sont âgés, puis qui n'entre pas au paradis. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il a auprès de lui ses parents ou l'un d'entre eux, mais il ne fait pas les causes en termes de bienfaisance à leur égard pour entrer au paradis. Mais il se prive de ce bienfait. Il n'est pas bienfaisant à leur égard. Il ne fait pas preuve de bonté envers eux. Il ne s'adresse pas à eux avec douceur. Et ainsi de suite parmi les formes de bienfaisance. Celui qui se prive de cette porte de bien et de cette voie menant au paradis en étant malfaisant envers ses parents ou envers l'un d'entre eux, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre lui qu'il soit humilié, puis qu'il soit humilié, puis qu'il soit humilié. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et il fait partie de la bienfaisance envers les parents, de leur obéir dans ce qu'ils t'ordonnent, tant qu'ils ne t'ordonnent pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, il fait partie de la malfaisance de les délaisser, de les boycotter, de ne pas s'occuper d'eux, de ne pas s'enquérir à leur sujet, ou encore de les priver de ton bien, de les priver de ta bonté, de les priver de ta bienfaisance. Ceci fait partie de la malfaisance envers les parents et cela relève des grands péchés, wallah al-musta'an. Chers frères et sœurs, nous sommes actuellement dans un mois immense. Ce mois qui est le mois de Ramadan, le mois des bonnes actions, le mois durant lequel nombre de serviteurs sont affranchis du feu de l'enfer. C'est donc une occasion immense pour emprunter toutes les voies et tous les moyens pouvant nous mener au paradis. Et il ne fait aucun doute que parmi ces moyens et parmi ces voies, il y a la bonté envers les parents. Médite sur l'histoire de cet homme qui s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant l'autorisation d'aller lutter sur le sentier d'Allah. Cette lutte qui fait partie des œuvres les plus immenses et les plus méritoires, avec tout ce qu'elle contient comme difficulté, comme fatigue et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, « Tes parents sont-ils encore en vie ?» L'homme de répondre que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, « Lutte donc auprès d'eux. Lutte donc auprès d'eux. C'est auprès d'eux que se trouve ta lutte. C'est auprès d'eux que se trouve la voie vers le paradis, la voie te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc s'occuper de tes parents et être à leur service, cela fait partie des œuvres les plus immenses que tu peux accomplir tout au long de l'année, notamment durant ce mois. Si tes parents sont auprès de toi, profite de cette occasion. Profite de ce bien immense pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sois à leur service. Et ne pense pas qu'être au service de tes parents est une œuvre moindre que les autres œuvres de bien que tu peux accomplir durant ce mois. Non, c'est une œuvre immense. Plus immense que les œuvres surérogatoires. Donc ne néglige pas cette œuvre. Et la bienfaisance envers les parents, comme on a dit, elle consiste notamment à leur obéir lorsqu'ils te donnent un ordre, tant que celui-ci ne relève pas de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car s'ils t'ordonnent un péché, alors tu ne leur dois pas obéissance, car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Mais s'ils t'ordonnent une chose permise, et plus encore s'ils t'ordonnent une chose parmi les œuvres de bien, alors tu te dois de leur obéir. Et il fait également partie de la bienfaisance envers les parents de chercher à les satisfaire, de chercher à obtenir leur agrément. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents. Et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. » Donc tu dois chercher à satisfaire tes parents, chercher à obtenir leur agrément dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois chercher à les satisfaire dans ce qui te plaît, mais aussi dans ce qui ne te plaît pas. Et ça, c'est un point important à souligner. La bienfaisance, elle ne se limite pas à ce que tu désires et à ce que tu aimes et à ce qu'il te plaît, non. Mais il fait partie de la bienfaisance envers tes parents que tu cherches à les satisfaire et à obtenir leur agrément et à leur obéir, même dans ce que tu ne désires pas, même dans ce qui ne te plaît pas, même dans ce qui te contrarie, tant que cela ne comporte pas de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tes parents ont besoin de toi, lorsqu'ils ont besoin de tes services, ne te rends pas à eux en soupirant ou en traînant les pieds, mais empresse-toi plutôt de saisir cette occasion de faire le bien qui s'offre à toi. Lorsqu'ils ont besoin de tes services, ceci est une voie parmi les voies menant au paradis qui s'ouvre à toi. Empresse-toi donc de cheminer sur cette voie. Ne méprise pas cette voie, ne la néglige pas. Et rappelle-toi toujours que quoi que tu fasses pour tes parents, cela sera toujours peu en comparaison du droit immense qu'ils ont sur toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde envers nous, décuple la récompense des bonnes actions, aussi minime soit-elle. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'il vit un homme un jour en train de porter sa mère sur son cou afin de lui faire faire le tawaf autour de la Kaaba. Cet homme dit alors à Ibn Umar, « Vois-tu que je l'ai ainsi rétribué pour ce qu'elle a fait pour moi ?» Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma de lui dire alors, « Non, tu ne l'as même pas rétribué pour une seule de ses contractions. » Et ceci te montre le droit immense des parents. Cet homme a porté sa mère sur son dos pour lui faire faire le tawaf autour de la Kaaba. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma lui dit que ceci n'équivaut même pas à une seule de ces douleurs qu'elle a ressenties lors de ses contractions. Alors que dire des douleurs de l'accouchement, puis des douleurs lors de l'allaitement, puis de tout ce qu'elle a enduré durant ton enfance? Ne penses-tu pas qu'en raison de tout cela, tes parents sont les plus en droit de ta bienfaisance et de ta bonté? Malgré cela, et malgré l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être bon et bienfaisant envers les parents, on remarque aujourd'hui, chez nombre de personnes, un manquement flagrant à ce sujet. Et nombreux sont ceux qui favorisent leurs amis sur leurs parents. Et ceci, wallah, fait partie des plus graves erreurs. D'autres encore favorisent certaines œuvres de bien parmi les bonnes actions, qui sont surérogatoires à la bienfaisance et à la bonté envers leurs parents. Ils font des œuvres qui certes sont des œuvres de bien, mais qui sont moindres que la bienfaisance et la bonté envers les parents. Et chacun d'entre nous doit se remettre en question à ce sujet. Combien sont ceux qui, lorsque leurs parents ont besoin d'eux, les fuient, ne répondent pas à leurs demandes, ne répondent pas à leurs appels? Combien sont ceux qui ne visitent pas leurs parents parfois durant de longues périodes? Ou pire encore, ceux qui abandonnent leurs parents dans des maisons de retraite ou al-iyadu billah. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des formes de malfaisance. Combien sont ceux également à être durs envers leurs parents, à élever la voix sur eux, à mal leur parler, ou à se disputer avec eux comme on se dispute avec un ennemi? Certains se comportent bien avec les gens à l'extérieur, font preuve de politesse lorsqu'ils se rendent dans des administrations, dans des commerces, ou avec les gens dans la rue. Puis lorsqu'ils s'adressent à leurs parents, ils font preuve de dureté. Ils font preuve d'impolitesse. Ils soupirent lorsque leurs parents les appellent. Ils se plaignent d'eux. Ils leur répondent. Ils leur parlent mal. Ils élèvent la voix sur eux. Et autres parmi les formes de malfaisance que l'on peut observer aujourd'hui, wallahul musta'an. Et certains se lassent de leur compagnie, se lassent de la compagnie de leurs parents, et préfèrent la compagnie de leurs amis, avec qui ils tiennent parfois, ou bien souvent, des discussions futiles ou pire encore, avec lesquelles ils commettent des péchés, wal'iyadu billah. Il est rapporté d'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est venu auprès de lui et lui a dit, « Ô messager d'Allah, je souhaite partir combattre et je suis venu demander ton avis. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, « Ta mère est-elle encore vivante ?» Il lui répondit que oui. Il lui dit alors, « Accroche-toi à elle, car c'est auprès de ses pieds que se trouve le paradis. Accroche-toi à elle, car c'est auprès de ses pieds que se trouve le paradis. Ta mère mérite bien plus ta bonne compagnie que tes amis. » Un homme est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, « Ô messager d'Allah, qui est le plus en droit parmi les gens de ma bonne compagnie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ta mère. Il lui dit, puis qui? Il dit, ta mère. Il lui dit, puis qui? Il lui dit, ta mère. Il lui dit, puis qui? Il lui dit, ton père. Les gens de science ont dit que la mère se distingue du père par trois choses: la difficulté de la grossesse, la difficulté de l'accouchement et la difficulté de l'allaitement. Et c'est pour cela qu'elle a été favorisée trois fois au-dessus du père sur son droit à la bonté et à la bonne compagnie de ses enfants. Et en plus de cela, les gens de science ont dit que contrairement au père, la mère est une personne faible. Elle a donc besoin de la bonté et de la bonne compagnie de ses enfants. Et il n'y a pas de doute que ses enfants sont les personnes les plus dignes et ceux qui ont le plus le devoir d'être bons envers elle et d'être à ses côtés afin de combler ce manque et de combler cette faiblesse. Il est rapporté qu'un homme a dit Al-Hassan, c'est-à-dire Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. J'apprends le Coran et ma mère m'attend pour dîner. Al-Hassan lui dit alors, va dîner avec ta mère et réjouis ses yeux. Ceci est préférable pour moi qu'un pèlerinage que tu accomplis de manière surérogatoire. Allahu Akbar. Il lui dit qu'il apprend le Coran alors que sa mère l'attend pour dîner. Il lui dit, va dîner avec ta mère. Réjouis ses yeux par ta présence auprès d'elle. Ceci est préférable qu'un pèlerinage surérogatoire. Regarde aujourd'hui si une personne était bienfaisante envers toi. Si quelqu'un, un de tes amis ou même une personne inconnue, t'avait accueilli chez elle, t'avait servi à manger, t'avait honoré durant plusieurs journées. Il n'y a pas de doute que si quelqu'un est bon de cette manière envers toi, tu vas vouloir être reconnaissant envers cette personne. Tu vas faire ses éloges, tu vas lui adresser de nombreux compliments, simplement parce qu'il t'aura accueilli quelques jours à son domicile et qu'il t'aura honoré. Alors que dire de tes parents qui ont fait cela durant de nombreuses années, jusqu'à ce que tu sois autonome? Ils se souciaient de toi, ils se souciaient de tes besoins. Ils te favorisaient sur leur propre personne, en faisant cela de bon cœur et avec amour envers toi. Penses-tu qu'après tout cela, ils méritent de ta part la moindre forme de malfaisance ou que tu les abandonnes? Il n'y a pas de doute que celui qui agirait de cette manière serait loin de la voie du bien, wallahu musta'an. Et ceci relève de la dureté du cœur et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et parmi les choses affligeantes qui se sont répandues à notre époque, il y a le comportement de certains hommes ou de certaines femmes qui n'aident pas leur conjoint à être bon envers ses parents. Pire encore, certaines femmes qui peuvent parfois demander à leurs époux de ne pas visiter leurs parents ou de les encourager à les délaisser, à les favoriser sur leurs parents. Et ceci est une grave erreur et un très mauvais comportement. Au contraire, les époux, ils doivent tout faire pour s'entraider autant que possible dans le bien. Et entre dans ce bien le fait d'être bienfaisant envers les parents. Il doit donc mutuellement s'entraider à être chacun bienfaisant envers ses parents et ne pas être un frein à cette bonne action. Et encore moins appelé à la malfaisance. Car la malfaisance envers les parents fait partie des plus grands des grands péchés. Il est rapporté de Abu Bakr, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne vous informerai-je pas au sujet des plus grands des grands péchés ?» Et il dit cela à trois reprises. Les compagnons lui dirent alors « Bien sûr que si, au messager d'Allah. » Il dit donc « C'est le fait de donner des associés à Allah, d'être malfaisant envers les parents. » Puis il se mit assis alors qu'il était accoudé et il dit « Et également, les paroles fausses et le faux témoignage. » Il commença par mentionner le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grave des grands péchés. Puis il mentionna immédiatement après cela la malfaisance envers les parents. Donc de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'être bienfaisant envers tes parents, après t'avoir ordonné de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, il t'interdit d'être malfaisant envers tes parents, après t'avoir interdit de lui donner des associés dans l'adoration. Tu dois donc prendre garde à toute forme de malfaisance, que ce soit par les paroles ou les actes. Mujahid, rahimahullah ta'ala, a dit « Il ne convient pas à l'enfant de repousser la main de son père lorsqu'il le tape. » Allahu Akbar. Il ne convient pas à l'enfant de repousser la main de son père lorsqu'il le frappe. Il considérait cela comme un mauvais comportement. Il dit « Et celui qui a un regard dur lorsqu'il regarde ses parents, il n'a pas été bon envers eux. Et celui qui les attriste, il a certes été malfaisant envers eux. » Celui qui attriste ses parents. Ceci est une forme de malfaisance. Et pire encore, les faire pleurer. Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhum, a dit « Faire pleurer les parents fait partie de la malfaisance et des grands péchés. » Et combien sont ceux aujourd'hui à faire pleurer leurs parents, à les attrister en raison de leur mauvais comportement et en raison de leur malfaisance, wallahu al-musta'an. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer et de nous aider à être bons envers nos parents et ne pas manquer à nos devoirs envers eux. Chers frères et sœurs, ceci est un rappel pour chacun d'entre nous, afin de nous corriger à ce sujet, car nul parmi nous n'est à l'abri des manquements à l'égard de ses parents. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit se remettre en question, notamment durant ce noble mois, afin de faire des efforts pour être bienfaisants envers nos parents. Et j'aimerais terminer en m'adressant à ceux qui, en écoutant ce rappel, ont des regrets ou des remords en raison du fait qu'ils ont peut-être perdu leurs parents. Mais sache que si tes parents sont morts, il est encore possible pour toi d'être bienfaisant envers eux et ce de nombreuses manières. Et parmi les manières les plus nobles et les plus méritoires d'être bienfaisant envers eux après leur mort, il y a le fait que tu invoques en leur faveur, que tu multiplies les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de tes parents, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les pardonne, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur fasse miséricorde, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les élève en degré au paradis, et ce bien sûr, à condition que tes parents soient morts musulmans. Et ceci fait partie des plus grandes formes de bienfaisance envers les parents après leur mort. Il est rapporté dans le hadith authentique que des parents seront élevés à des degrés éminents au paradis. Ils seront alors surpris de cela et ils diront « Oh Seigneur, que nous vaut cela? Que nous vaut ces degrés éminents ?» Il leur sera alors dit « Ceci est en raison de l'imploration du pardon de votre enfant en votre faveur. » Ils ont laissé derrière eux un enfant vertueux qui invoquait en leur faveur, qui invoque dans ses prosternations en prière, qui invoque durant la nuit, qui invoque entre l'adhan et l'iqama, qui invoque lors de la dernière heure du vendredi, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ses parents, qu'il leur fasse miséricorde et qu'il les élève en degré. Ils ont donc profité de ces invocations. Et ceci fait partie des meilleures des œuvres. Si tes parents sont décédés et que tu souhaites être bienfaisant envers eux, alors invoque en leur faveur. Ne les oublie pas dans tes prosternations. Ne les oublie pas entre l'adhan et l'iqama. Ne les oublie pas au dernier tiers de la nuit. À chaque fois que tu invoques, pense à invoquer en leur faveur. Et ceci fait partie des meilleures formes de bienfaisance. Également fait partie de la bienfaisance envers eux après leur mort, le fait de donner des aumônes en leur offrant la récompense de ces aumônes. Ceci fait partie des actions qui sont légiférées. Et également, il fait partie de la bienfaisance envers eux après leur mort de maintenir les liens avec leurs proches parents. Et également d'être bienfaisant envers leurs amis. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma qu'un jour il offrit un vêtement à un bédouin. Les gens furent alors surpris. Il dit alors, celui-ci était un ami de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il fit donc cela et l'honora à titre de bienfaisance envers son père. Donc, si tu n'as plus auprès de toi tes parents, tu as peut-être tes oncles, leurs frères et sœurs. Sois donc bienfaisant envers eux. Rends leur visite, maintiens les liens avec eux et ceci fait partie de la bienfaisance envers tes parents. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de nous guider afin d'adopter un bon comportement envers nos parents. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.